vent léger. Ah oui, je t'entends, Olivier. Tu marches avec deux doigts pour atteindre le rivage des mains. Tes caresses m'endorment, je trouve toute la douceur. Le rivage des mains. Le rivage des mains. En parcourant tout le corps, espace sombre, j'imagine. Sensation fragile sur la peau pour atteindre celle des anges. Le ciel des anges. Le rivage des mains. Le rivage des mains. Pensez au sein. Le rivage des mains. Le rivage des mains. Le rivage des mains. Le rivage des mains. Thank you.